Jean Bosco, Ndoui Man. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres pour commencer. Trois personnes ont été tuées dans une attaque armée en zone Maranvia de la province Rumonge. Les assaillants ont ciblé un cabaret de la colline Bichia. Notre correspondant sera en ligne pour d'autres détails au cours de ce journal. Et la sécurité, il en sera également question en mairie de Bujumbura. Le maire Freddy Mbonima a entamé une série de réunions de sensibilisation. Ce matin, il a rencontré les conducteurs rémunérés de moto. Une dizaine de maisons à Kajaga 2 sont totalement inondées depuis 3 jours et risquent de s'écrouler si rien n'est fait pour contenir l'eau de la rivière Rusizi qui a dévié de son lit. 5 familles ont déjà quitté leur toit. Reportage dans ce journal. Le sucre manque dans plusieurs points de vente en mairie de Bujumbura où le prix est passé de 1850 à 2500 francs bout le kilogramme. Nous ferons le point dans ce journal avec notre reporter alors qu'en province de Ruyigui, on nous signale des abandons scolaires au cours du deuxième trimestre qui avoisine 7000 dans cette province, donc plus de 6% des élèves et écoliers. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Nous ouvrons ce journal justement par ces abandons scolaires signalés au cours du deuxième trimestre en province de Ruyigui qui s'élèvent à plus de 7000, soit plus de 6% des élèves et écoliers. Donc ces chiffres, d'après ces chiffres, le taux des abandons a augmenté de plus de 60% par rapport à celui du second trimestre. Le directeur provincial de l'enseignement dit que la plupart des élèves et écoliers ont abandonné à cause de la pauvreté des familles. Toutefois, il indique qu'ils sont en train de faire une sensibilisation pour dissuader les parents qui empêchent les enfants de poursuivre les études. Jean-Claude Chimiliman. De par les données recueillies à la direction provinciale de l'enseignement à Ruyigui, 7641 écoliers et élèves, soit 6,46%, ont abandonné l'école au cours du deuxième trimestre de cette année 2015-2016. Sur cet effectif, 6756, soit 88,41%, sont des écoliers de la première à la neuvième année et 885, soit 11,58%, sont des élèves de la dixième jusqu'aux années terminales de l'enseignement secondaire. Au regard de ces effectifs, le taux d'abandon a augmenté de 60,64% par rapport à celui du premier trimestre, car seuls 4727 avaient abandonné l'école. Guillaume Kwizera, directeur provincial de l'enseignement à Ruyigui, dit que la pauvreté dans laquelle se trouvaient les familles est à l'origine de plus de 50% des abandons scolaires. Il explique que certains parents d'écoliers et élèves décident de garder leurs enfants à la maison pour qu'ils puissent les aider dans la recherche de vivres pour la famille. Toutefois, Guillaume Kwizera dit qu'ils sont à l'œuvre dans la sensibilisation des parents pour qu'ils puissent laisser leurs enfants poursuivre les études. Il précise que les parents qui empêchent leurs enfants d'étudier les privent de fait d'un bon avenir, alors que même leur contribution souhaitée dans la survie des familles est très négligeable. Jean-Claude Nchimlimana, Ruyigui, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Sécurité maintenant. 3 personnes ont été tuées et une autre blessée dans une attaque d'hommes armés en zone Maranvia de la province de Rumonge. Cette attaque a eu lieu dans un cabaret de la colline Bichiha et l'identité de ces hommes armés reste inconnue. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Jean-Pierre Misako. Selon un rescapé de cette attaque, 4 hommes en uniforme policière et tous avec des fusils ont attaqué un cabaret dans lequel il étanchait sa soif avec 3 autres personnes, dont le cabaretier, un retraité de l'armée burundaise emporté par cette attaque. D'autres, dont le nombre n'est pas connu, seraient restés à l'extérieur. Seulement, le rescapé dit avoir entendu à l'extérieur quelqu'un disant « accomplissons notre mission ». Avant d'ouvrir le feu sur un jeune écolier qui venait à la recherche de son père, le blessant vers l'épaule, les bourreaux sont ensuite entrés à l'intérieur du cabaret et ont tiré sur 3 personnes, dont 2 retraités de l'armée qui sont morts sur le champ, le rescapé ayant été couvert par un cadavre, trois téléphones portables de ceux qui se trouvaient à l'intérieur de ce cabaret et d'autres téléphones qui se trouvaient sous charge électrique ont été volés, ainsi que quatre casiers de Primus et d'Amstel, ainsi qu'une somme d'argent non encore connue. Sylvestre Sindayehura, le chef collinaire adjoint de Gishiha, demande que l'effectif des éléments des forces de l'ordre opérant sur cette colline soit revu à la hausse, l'effectif de quatre policiers étant minime, alors que ces assaillants portaient des uniformes policiers, base des soupçons portés contre les policiers. La police arumongue dit que tout porteur d'une tenue policière n'est pas un policier et qu'il faut attendre les résultats des enquêtes. Dans moins de 45 jours, 6 personnes viennent d'être tuées, fusillées dans la commune Urambi, une commune qui a accueilli le premier vice-président de la République burundaise pour une réunion de tous les chefs de service de la province Rumonge à Donzi, en zone Maramvya de cette commune. Jean-Pierre Misago, depuis Gishiha, Radio Isanganiro. Nous parlons toujours sécurité, cette fois-ci en mairie de Bujumbura, je vous l'avais dit. Le maire de la ville, Freddy Mbonima, a entamé une série de réunions de sensibilisation. Aujourd'hui, il a rencontré les conducteurs rémunérés de moto. Il s'agit de définir certaines stratégies pour amener la sécurité perturbée dans différentes localités de la mairie de Bujumbura. Suivez le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima. Si nous restons les mains croisées sans rien faire, ces bandes de malfaiteurs vont s'augmenter davantage. Et par après, suite à notre négligence, on va même quitter cette capitale. Ces malfaiteurs n'ont aucune pitié, ni pour la population paisible qui se trouve au marché ou à l'église. Il arrive même qu'ils attaquent ceux qui sont en train de se rafraîchir dans un bar après une longue journée de travail. Ces gens sont vraiment des terroristes, mais ils ne sont pas nombreux. Je vous prie, chacun dans ses fonctions, de conjuguer tous les efforts pour faire face à ce terrorisme. Et je sais bien que vous en êtes capable, sinon ça serait trop tard. Je demande à toutes les associations, surtout les motards, de veiller à leur sécurité, car certains malfaiteurs passent par leur canal pour déstabiliser la sécurité à mairie de Bujumbura. Alors, il est temps que tous les citadins, sans exception, combattent pour lutter contre toute violence qui peut se manifester n'importe où ou n'importe quand dans cette capitale. Vous avez des enfants et je sais bien que vous voudrez les éduquer dans un pays paisible. Après la sécurité, nous parlons carburant. Certaines stations-service du sud de la capitale burundaise ont respecté les écriteaux en service, comme l'avait demandé le ministère en charge de la gestion des produits pétroliers. Dans un communiqué sorti ce samedi par ce ministère, il y a été prévu que c'est ce mardi que les services compétents se rendent sur terrain pour constater la mise en application. Mireille Kanyangé nous fait le point. Les services compétents passeront dès ce mardi, le 10 mai 2016, sur toutes les stations pour vérifier le respect. C'est ce mardi que le ministère de l'Énergie et des Mines prévoit une descente sur les stations-service pour se rendre compte du respect des écriteaux en service pour les stations fonctionnelles et hors service pour celles non fonctionnelles. Sur différentes stations du sud de la capitale Bujumbura, où la radio Isanganiro est passée, dans l'avant-midi de ce mardi, le constat est que certaines d'entre elles l'ont mis en application. L'on nous a en outre indiqué que certaines stations n'ont que du gazoil. Pour certaines personnes qui estiment que la pénurie de carburant serait due à des importateurs de ce produit qui n'ont pas les mêmes moyens financiers quant aux services servis par la Banque centrale, le ministre de l'Énergie et des Mines précise qu'il n'y a pas de considération vis-à-vis de la grille des produits pétroliers. S'il y a ceux qui approvisionnent correctement et ceux qui ne le font pas, alors que la grille des produits pétroliers est la même, vous comprenez très bien qu'il n'y a pas de considération aucune. Donc la grille des produits pétroliers, elle est la même pour tout le monde. Il y a ceux qui approvisionnent, il y a ceux qui n'approvisionnent pas. Vous comprenez très bien qu'il n'y a pas de raison, donc les raisons sont personnelles. Rappelons que c'était ce lundi que les stations-service de la mairie de Bujumbura ou de l'intérieur du pays devraient adresser une nouvelle déclaration de continuation de leurs activités, faute de quoi leurs permis d'exploitation seront considérés comme caducs. Merci Mireille. Pénurie du sucre dans certains points de vente de ce produit à mairie de Bujumbura. Selon certains vendeurs, les prix de ce produit ont même grimpé depuis plus de deux semaines. Dans certaines boutiques, le prix d'un kilogramme de sucre est vendu à un prix variant entre 2300 et 2500 francs burundais. C'est au moment où le prix officiel est de 1850 francs burundais. Auban, Lyon-Gourou. Dans certaines boutiques où l'on vendait habituellement du sucre, ce produit y manque depuis plus de deux semaines. Pour ceux qui vendent encore ce produit, la hausse des prix s'est imposée puisque leurs grossistes ont eu aussi monté les prix. Un sac de 50 kg de sucre qui s'achetait à moins de 90 000 francs burundais s'achète aujourd'hui à plus de 110 000 francs. Celui-ci est l'un des vendeurs du sucre. Nous n'avons rien à répondre à nos clients qui veulent ce produit. Nos grossistes nous demandent de patienter, mais s'ils n'en ont pas, peut-être que les stocks de l'assaisonnement sont vides. Si la production a baissé, ce commerçant fait savoir que le peu qu'il y a devrait être partagé équitablement. Cette pénurie du sucre s'observe non seulement à Bujumbura, mais aussi dans certaines provinces de l'intérieur du pays. Merci Aubin Nyongoro, il est 13h09 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. En attendant, un petit tour sur l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, l'ex-gouverneur du Katanga et candidat à la présidentielle Moïse Katumbi est ressorti libre après 7 heures d'audition au parquet de Lubumbashi. La justice le soupçonne d'avoir procédé à des recrutements de mercenaires, notamment américains. L'audition reprendra mercredi. Précisons que l'enquête avait été ouverte le 4 mai dernier sur ordre du ministre de la Justice. Quelques heures plus tard, Moïse Katumbi se déclarait officiellement candidat à l'élection présidentielle. Et le deuxième procès de deux hommes présumés acteurs du génocide rwandais s'ouvre ce mardi devant la cour d'assises de Paris en France. Octavien Genzi, 58 ans, bourgmestre, et Tito Barahira, ancien bourgmestre, sont accusés d'avoir directement participé au massacre de centaines de Tutsis dans leur commune de Kabarondo. Une cinquantaine de témoins sont d'ailleurs attendus à la barre. On parle de centaines, voire de milliers de victimes de tueries qui se sont déroulées sur la place du marché et l'église. Et en un temps record, il y a deux ans, Pascal Siimbikangwa était le premier Rwandais à être condamné en France pour génocide. Les deux accusés, arrêtés et incarcérés en France, n'ont jamais été extradés vers le Rwanda. En leur absence, en 2009, les tribunaux populaires, les Gachacha, les ont déjà condamnés à la prison à vie. Retour maintenant sur l'actualité nationale. Il s'observe depuis un certain temps plusieurs cas de vol de plaques solaires qui avaient été installées dans le projet de l'éclairage de certaines voies publiques de la capitale Bujumbura. Dans certaines sources confirment que des batteries installées sous les poteaux dans le sol sont également volées. Léonce Vitariho est passé sur certaines voies. Voici son constat. Sur le boulevard du peuple Murundi, le vol de ces plaques solaires se fait remarquer entre le siège de la banque BBCI et au niveau de l'arrêt bus communément appelé permanence. Entre deux autres points, à savoir l'école fondamentale de Wuyenzi et le pont Nahangwa, seulement trois plaques solaires semblent être en bon état. Un peu plus loin, sur la route menant vers Kigobe jusqu'à la gare du Nord, seules trois plaques solaires sont visibles devant la permanence nationale du parti CNDD-FDD, deux devant le palais des congrès de Kigobe où siège l'Assemblée nationale, une devant les bureaux de la police de l'air, des frontières et des étrangers, ainsi que huit au niveau des bâtiments de la régie des eaux. Entre deux ronds-points situés respectivement à Ngagara et à la Braroudi, quelques plaques photovoltaïques ont été volées devant le marché d'Ikotewu et en bas de celui appelé chez Sion. Au niveau du rond-point de la Braroudi, presque toutes les plaques ont été volées. Il en est de même pour une petite partie du boulevard du 1er novembre. Il n'y a pas que ces plaques photovoltaïques, des batteries installées dans le sol, sous les poteaux, sont également volées selon certaines sources. D'une manière générale, une bonne partie des voies publiques de la capitale qui avaient été éclairées grâce à ce programme s'est vue retourner dans l'obscurité à cause de ces vols. Merci Léonce. Je vous l'avais également dit, cinq familles de Kajaga, deux de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, ont déjà fait leur ménage il y a trois jours. La rivière Roussizi ayant débordé ses rives pour inonder ce quartier nouvellement viabilisé. Les habitants de ce quartier et un administratif à la base demandent l'intervention rapide des services de l'urbanisme pour sauver une dizaine de maisons en dur sous menace d'écroulement. Évariste Nzikobanyanga s'est rendu sur les lieux. Voici son reportage. C'est un climat de peur panique qui règne au quartier Kajaga 2, nouvellement viabilisé. La rivière Roussizi a débordé ses rives et inonde son quartier depuis la fin du week-end dernier. La rivière Roussizi ayant emprunté, dans le cas contraire, la canalisation qui déversait les eaux de ruissellement en provenance du quartier Kajaga dans cette même rivière, inonde son quartier Kajaga 2, comme l'explique le chef de quartier André Hakidimana. À part les 5 familles qui ont déjà quitté leur ménage suite à ces inondations, ceux qui vivent toujours sur quartier font face à des inondations qui ne cessent de faire monter le niveau de l'eau. Cette femme venait de rentrer et s'est heurtée à des inondations qui se sont déclarées pendant la journée de ce mardi, l'empêchant d'arriver chez elle. Madame Céleste demande une intervention d'urgence. J'ai peur parce que l'eau, c'est une autre guerre. Et pourtant, la guerre qui est de la force que personne ne peut maîtriser sur place. Oui. Madame, la Roussizi a débordé il y a 3 jours. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est parce que l'eau déborde tout le temps, sous le soleil. Et les gens quittent leur maison. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose sur place pour nous évacuer. Les sentinelles des 5 maisons déjà désertées craignent pour leur santé. Des éventuelles maladies causées par ces inondations risquent de leur causer de maladies. Marc Ndikumwenayo est parmi ces sentinelles. Il indique sentir des odeurs nauséabondes, les eaux de la rivière Roussizi ayant aussi inondé le cimetière de la place. Ces inondations qui menacent une dizaine de maisons modernes n'ont pas épargné les cultures vivrières. Les propriétaires des champs agricoles rencontrés sur le lieu indiquent qu'ils feront face à une disette car ils n'attendent rien comme récolte. Merci Évariste. On termine ce journal par cette grogne des habitants de la zone Gatonde en commune Nyabikere de la province Karoussi. Ils ne peuvent plus se faire soigner et pour cause, les employés d'un centre de santé de la localité viennent de passer 5 mois sans être payés. Blaise Pascal Kararoumi. Ces habitants de la zone Gatonde de la commune Nyabikere en province Karoussi disent que ces jours-ci, ils font un long voyage pour arriver à un centre de santé. Certains vont se faire soigner au centre de santé de Sagara de la commune Mutumba, à plus de 5 km, d'autres se rendent au centre de santé de Nyarunazi de la zone Maranzia, ou bien à Nyabikere à une dizaine de kilomètres de marche. Le seul centre de santé de cette zone de Gatonde ne fonctionne plus il y a 3 semaines, comme le confirme le titulaire de ce centre de santé, qui indique que le personnel a été obligé d'arrêter le service car il travaillait sans être rémunéré. Le titulaire parle des arriérés de salaire de 5 mois et indique qu'ils n'ont cessé de réclamer à l'organisation du développement de l'archidiocèse catholique de Gitega, indique le personnel. Il signale que les recettes de ce centre de santé sont directement versées sur les comptes de cette organisation chargée du développement de l'archidiocèse de Gitega et que par suite, le DAG qui devrait payer les salaires. Le titulaire signale aussi qu'il y a 3 mois que ce centre de santé ne reçoit plus des frais de fonctionnement. À la direction provinciale de la santé, on fait savoir que la question est aux mains des responsables de l'ODAC et que des promesses relatives ont été tenues, mais sans concrétisation. Le frère Arubin, chargé des structures de la santé à l'archidiocèse de Gitega, nous a renvoyé au prêtre coordinateur de l'ODAC que nous continuons à chercher. Au BPS, on regrette que cette situation perdure alors que ce centre de santé de Gatonde était parmi les 10 premiers centres de santé de la province de Karoussi. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que 3 personnes ont été tuées dans une attaque armée en zone Maranvia de la province de Rumonge. Les assaillants ont ciblé un cabaret de la colline Vichia. La sécurité, il en a été également question à mairie de Bujumbura avec le maire Freddy Bonima qui a entamé une série de réunions de sensibilisation à l'endroit de différentes personnes. Ce matin, il a rencontré les conducteurs rémunérés de moto. Il s'agit de définir ensemble certaines stratégies pour amener la sécurité perturbée dans différentes localités de la mairie de Bujumbura ces derniers temps. Une dizaine de maisons à Kajaga 2 sont totalement inondées depuis 3 jours et risquent de s'écrouler si rien n'est fait pour contenir l'eau de la rivière Roussizi qui a dévié de son lit. 5 familles ont déjà quitté leur toit. Et le sucre manque dans plusieurs points de vente en mairie de Bujumbura où le prix est passé de 1 850 francs à presque 2500 francs burundais le kilogramme dans certains points de vente. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à tous, Saint-Mit et Boutsi, pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.